L'ouette d'orge, un petit pommeret. Ronsons, le goûter qui bon. Delicious. Vous allez enfin mettre fin au mystère et nous dire quel est ce nouveau projet dont on a tant entendu parler. Ma honto wa yuto. Kotoba de setsume sun wa muzukushin desu yo ne. Qu'est-ce que vous en pensez? Voulez-vous qui? ソウル準決勝ヤールリードとの試合の模様なんですが、微妙な判定が多かったようですね。しかし思い切ったことをするもんね。